les centaures, troisième partie, 2. Depuis 4 jours, c'est la pluie. Non point la pluie fine et légère, caresse bienfaisante qui reverdit la terre et la jonche des fleurs. Ni la pluie tumultueuse, brève et violente de l'orage, semblable à une courte colère que suit l'embellie. Pas même la pluie rageuse et inégale dont sont chargés les vents d'ouest et qu'emportent avec eux les nuages voyageurs. Mais c'est une pluie énorme, lourde, innombrable. On dirait qu'elle tombe de plus haut que les cieux, tant sa masse est écrasante, comme si, dans l'au-delà, des réservoirs inconnus, inépuisables, crevaient par un choc mystérieux. Sous la chute assourdissante des eaux, les branchages s'écrasent. Les herbes et les broussailles sont hachées. Le sol se ravine, les vivants sont terrassés. De l'humidité affreuse qui s'épand, l'air lui-même s'épaissit, s'apesantit, devient irrespirable. Un froid dense, oppressant, mortel, pénètre les os, glace les poitrines, emplit les cœurs d'une angoisse secrète. Il pleut tout le jour, il pleut toute la nuit, avec un fracas monotone et inexorable. Réfugiés dans les grottes rouges, les centaures mélancoliques se serrent les uns contre les autres. À plusieurs reprises, poussés par la faim, les plus hardis ont tenté de gagner le bois pour y ramasser quelques fruits. À peine sortis, ils ont été suffoqués par les eaux diluviennes, ont rejoint en toute hâte l'abri protecteur. Les jeunes ne se souviennent point de telles catastrophes, mais dans la mémoire des vieux se lèvent des images confuses. À mi-voix, Clévorac, Krebs, Urico, Babidam, Siada tentent de se rappeler comment, au temps passé, les centaures furent chassés du vallon ombreux qu'ils habitaient entre les montagnes. D'effroyables chutes d'eau furent le signe précurseur du froid qui précipita la tribu vers l'Occident. Graves, les yeux des anciens contemplent devant eux la mer infranchissable. Il y a une antique prophétie. Un jour, toute chose s'abîmera dans les flots. Le jeûne torture les entrailles. Nul ne se plaint. Qui lutterait contre le destin? Mais au cinquième matin, Traigle Gris, le premier éveillé, jette un grand cri et s'élance hors des grottes sur le sable raviné par les eaux. Il ne pleut plus. Tous le suivent, s'affermissent sur leurs jambes incertaines. L'air est encore froid, mais le dôme noir du ciel s'est disjoint. Entre les nuages qui se dispersent, des percées lumineuses s'élargissent. Un soleil blafard se lève au-dessus de la forêt. Avec une clameur de joie, les centaures tendent leurs bras vers le Père lumineux, créateur de toute vie. L'heure n'est pas encore venue où la terre doit s'abîmer dans les ondes. Les pensées sinistres s'envolent, la volonté de vivre se ranime. Voilà 4 jours que la faim torture les estomacs. Sans se concerter, en une seule bande, les centaures quittent la plage. Les fruits, les herbes et les racines comestibles calmeront la première fringale, donneront la force d'atteindre le champ de Reiki. Mais seule la fougère incomparable rendra toute sa vigueur à la race des dominateurs. Pressant le pas, autant que le leur permet leur lassitude, tous se hâtent à travers le bois de pin. Mais à mesure qu'ils cheminent, voici que de nouveau l'effroi les envahit. C'est que les masses d'eau qu'ont vomi les cieux entr'ouverts ont semé le désastre et la mort. Sinistres, les troncs dépouillés dressent leurs branches nues, quand eux-mêmes n'ont point succombé sous le cyclone. Une boue de feuillages arrachés, de fruits abattus, d'herbages noyés, de débris fangeux couvrent le sol. les sabots s'y posent lourdement. Parfois, on enfonce jusqu'aux genoux. Des ravins ont creusé les dunes, mis à nu les racines des arbres. D'innombrables torrents se précipitent. Dans tous les vallons, des marais vaseuses étendent leurs eaux épaisses où flottent des substances informes. Une odeur humide de décomposition et de mort emplit les narines, glace les vivants jusqu'aux os. Aucun bruit que celui des ondes ruisselantes. Toute vie semble éteinte, submergée, anéantie. Pas un pépiment d'oiseaux, la pluie furieuse les a assommés. Leurs petits corps pourrissent dans la vase. Tous ceux des quadrupèdes qui ont pu fuir se sont réfugiés sur les hauteurs. Mais beaucoup ont été pris à l'improviste. Leurs cadavres sont éparpillés en groupes lamentables. Toute la tribu de Tutul a été noyée dans ces terriers. Leurs longues oreilles ne se dresseront plus pour chercher la brise. Inoffensif à jamais, Volpe le renard gît au milieu d'eux. Nul ne compterait les petits corps roux des écureuils inertes. De plus robustes n'ont pas été épargnés. Sur un tilleul qui flotte au milieu d'une mare, Raram semble prêt à bondir. Mais ses muscles crispés ne se détendront pas. Il demeure cramponné à la souche où il s'était accroché désespérément. Sous les taillis où il cherchait leur abri ordinaire, les cerfs, les chevreuils, les biches ont trouvé la mort en foule. L'eau a envahi trop vite leur retraite. Ils ont tenté de se sauver à la nage, mais leurs forces les ont trahis. Les bœufs blancs avaient leur pâture préférée et leur camp habituel dans un frais vallon où, sous les noyers clairsemés, autour d'une petite source gazouillante, l'herbe était tendre et parfumée. Gravissant le coteau qui le borne, les centaures s'étonnent de ne point entendre les meuglements accoutumés. Mais, arrivés au sommet, ils jettent un long cri de stupeur. Le vallon et les pentes boisées qui le dominaient ne sont plus qu'un lac aux eaux troubles, où, çà et là, flottent de grandes masses blanches, gonflées, méconnaissables, grotesques. Tout le troupeau a été surpris au fond de la vallée, assommé avant d'avoir pu gagner un refuge. Le calme meuglement des bœufs ne saluera plus de loin l'approche des dominateurs. Atterrés, les centaures considèrent la masse liquide qui s'étend devant eux. On n'en voit point la fin, ni à droite ni à gauche. Elle se prolonge en face d'eux, mystérieuse et inquiétante, sous les feuillages, sans qu'on sache où la terre recommence. Ils se serrent les uns contre les autres en claquant des dents. Un grand vent passe, ride les eaux. D'énormes nuages roulent dans le ciel, obscurcissent le soleil, semblent peser sur les cimes des arbres et jusque sur les têtes des vivants. Une terreur fait vaciller les genoux. Si, tout à coup, la pluie, la terrible pluie mortelle, allait tomber de nouveau, accabler les centaures, eux aussi, avant qu'ils aient pu rejoindre les grottes? Et si, bientôt, leurs propres corps allaient flotter, gigantesques et lamentables, pareils à ceux des bœufs terrassés? D'un accent étranglé, plusieurs, à demi-voix, proposent de regagner la côte, d'attendre, pour reprendre l'expédition, que les terres soient plus sèches et le ciel moins menaçant. Mais Clévora gourmande les peureux. L'esprit prudent du chef conçoit que son peuple ne saurait se passer des racines nourricières. Quelques fruits à demi gâtés qu'ils ont pu ramasser çà et là ne sont pas capables de réparer les forces amollies. Si les animaux rois veulent vivre, il leur faut au plus tôt atteindre le champ de Reiki. Clévorac, le visage riant, encourage son peuple. L'averse torrentielle ne s'effondrera point tout d'un coup, et les centaures, même surpris, sauraient mieux se défendre que les bœufs imbéciles. Un rayon de soleil glisse entre les nuées, mettant feu à la lagune, rend un peu de confiance aux timides. Avec un cri d'appel, Clévorac se jette à l'eau le premier. Arc, Haïdar, Ekem, Cadilda, Urico, les plus braves et les plus sages le suivent. L'un après l'autre, tous font comme eux. Si fort est l'instinct de la race que nul n'oserait se séparer de ses frères à l'heure où peut-être le péril est proche. Les ondes noires s'entr'ouvrent sous le choc des poitrailles. À puissante brassée, les centaures nagent à travers le marais. De temps en temps, ils ferment les yeux en détournant la tête quand ils passent auprès des corps des bœufs morts, environnés d'écume et d'où s'exhale une puanteur. Bientôt, ils ont franchi le cœur du vallon et atteignent le rideau des arbres. Tout le coteau, couvert d'oliviers géants, est inondé. Jadis, les centaures se plaisaient à lécher la gomme qui suintait de l'écorce fendue. Maintenant, les arbres nourriciers pourriront sur place. Les nageurs se soutiennent aux troncs qui subsistent et aux branches pendantes. Quelquefois, ils perçoivent la terre sous leurs sabots. Et puis, de nouveau, ils perdent pied. Il y a plus d'angoisse encore à cheminer sous la forêt dévastée que sous le ciel libre. Les jambes s'embarrassent dans les branches flottantes, dans les lianes, dans les arbustes arrachés. De temps en temps, un cri de terreur s'échappe d'une poitrine. Péric se débat dans les végétations noyées qu'il lancère. On s'empresse autour de lui, on le délivre tant bien que mal, et la troupe se remet à fendre les eaux croupissantes. L'odeur corrompue empoisonne les poumons. Le froid paralyse les muscles. Et tout à coup, Cadilda, qui s'efforce vaillante aux côtés de son père, pâlit et, du doigt, désigne quelque chose qui flotte parmi les oliviers. Un long murmure d'horreur se propage. Colossal, une masse brune et poilue se balance sur le marais. La toison laineuse qui la couvre s'accroche aux branches basses des arbres. Tous ont reconnu le cadavre de Fall, le mammouth. Sa trompe oscille derrière lui comme un grand serpent. Sa force prodigieuse a été inutile. Autour d'eux, les centaures sentent planer la mort. Clévorac fait un détour pour ne pas frôler le cadavre, et tous peinent en silence dans les eaux sombres. Enfin, le chef jette un cri de joie. Son torse émerge, et puis apparaissent ses reins, sa croupe puissante et ses jambes couvertes de fange. Il a repris pied, s'ébroue et gravit une pente raide. Derrière lui, son peuple se bouscule, impatient de s'éloigner de l'étang hideux, avide de traverser au plus vite la haute forêt pour atteindre enfin le champ convoité. Mais, à la surprise de plusieurs, au lieu de couper au plus court par le bosquet de la soif, Clévorac incline sur la droite. Et, comme Ekem l'interroge, il dit à voix haute son dessein. Lequel des centaures oserait se rassasier avant de connaître le destin des petits frères au pied de chèvre? Malgré la faim qui tord les entrailles, nul ne murmure. La tâche des centaures est de protéger les porte-mamelles et tout d'abord les faunes. Raidissant leurs membres lassés, ils s'acheminent vers les taillis qui abritent le peuple au front cornu. À peine les plus affamés glanent en passant quelques feuilles ou des fragments d'écorce et les mâchent pour tromper leur appétit. Mais la saveur aqueuse soulève l'estomac. Les chaînes rouvres sont atteintes. Pour la première fois, si loin que remonte le souvenir, il n'y a point de verdure sur leurs branches. Voici les rameaux blancs des noyers. Mais nul bruit ne monte des furets de houx et de lauriers, d'où, cependant, les faunes doivent entendre les pas de leurs frères. Est-ce donc que tout le peuple au pied de chèvre a succombé, lui aussi? Clévorac a fermé sa voix. « Pirip ! Pirip !» Et dans le silence lugubre s'élève une plainte. Les centaures s'approchent, se baissent, et, sous les lauriers dévastés, ils aperçoivent un entassement de corps velus, de membres grelottants et de têtes effarées. Aux appels réitérés de leurs frères, un à un, les faunes se traînent sur leurs mains et sur leurs genoux, osent quitter le taillis, revoir le soleil qu'ils croyaient enfui à jamais. Ils essaient de se mettre debout, chancellent et retombent à terre. La terreur flotte dans leurs yeux, leurs joues sont creusées. Une affreuse odeur s'exhale de leurs corps souillés. Les centaures leur tendent quelques baies pourries. Ils les dévorent avidement. Mais plusieurs corps sont demeurés immobiles. Jamais plus les deux faunillons derniers-nés, Sukit et Pril, non plus que le vieux Stipax ni le joyeux Tyril, ne sauteront en cadence sur les jonchées de feuilles mortes. Quand Pirip a calmé sa première faim, il raconte. 4 jours et 4 nuits, la terreur de la pluie a pesé sur son peuple. La première journée, ils sont tous demeurés tapis, attendant l'embellie. Dans la nuit, l'humidité a commencé à ruisseler à travers les buissons, malgré leur épaisseur. Le lendemain, à cause de la faim, quelques-uns ont tenté de sortir. Assommés par la chute des eaux, tous sont rentrés précipitamment. Mais les ramures ne les protégeaient plus. Toute la nuit, la pluie glaciale a inondé les infortunés. Ils ne trouvaient de chaleur qu'en se serrant les uns contre les autres. Quand, au 3e matin, une aube livide s'est levée, il pleuvait toujours. Les sous-bois n'étaient plus qu'une mare où ils demeuraient accroupis, les membres transis. Tout autour d'eux bondissaient des torrents. Exaspéré par la faim, Bibik a voulu cueillir quelques fruits. Il a disparu dans les eaux furieuses. Tous les esprits se sont éteints. Immobiles, silencieux, découragés même de mâcher des feuilles, ils ont attendu la mort. C'est alors que les deux faunillons ont succombé. Aussi n'ont-ils pas été témoins de l'horreur suprême. Dans l'épouvante de la dernière nuit, tout à coup le sol lui-même, le vieux père sol, a oscillé. Pêle-mêle, les faunes ont roulé les uns sur les autres. Des profondeurs de la terre, un immense grondement est monté et, tout à coup, a éclaté en un si effroyable tonnerre que, quand il s'est tu, le fracas des eaux précipitées et des hurlements de détresse étaient pareils au silence. Depuis ce moment, Pirip ne se souvient plus de rien. Et maintenant, il n'est pas sûr d'être vivant. Clévorac a écouté gravement son récit. Aujourd'hui, Pirip n'altère pas la vérité. La terreur secoue encore ses membres. D'où venait ce grondement que tu dis ? Pirip hausse les épaules. C'était une voix de la terre entière. Peut-être pourtant, le faune l'indique du doigt, elle mugissait davantage à l'Orient. Les oreilles des vivants ne sont point faites pour endurer de telles clameurs. Des récits que l'on se transmet d'âge en âge se rapportent à des catastrophes. On a vu, dit-on, le feu jaillir de la terre, des continents émerger des flots et d'autres s'y abîmer à jamais. Peut-être une telle chose est advenue. Là-bas, vers l'Orient, le champ de Réki couvre au pied des montagnes une petite plaine basse qu'un dos de terrain rocheux où poussent seulement de maigres mousses, des lichens et des saxifrages, séparent de la lisière de la forêt. Peut-être, de la crête qui le domine, les centaures verront quelques signes du prodige. Une chose est assurée, la horde est affamée. Le devoir de son chef est de la nourrir. Ragaillardis par les pâles rayons du soleil, les faunes ont le courage de chercher leur nourriture. Les centaures peuvent songer à eux-mêmes. Avec un cri d'adieu, ils se remettent en marche. Mais lorsque, peu à peu, ils s'enfoncent parmi les chênes et les hêtres dans la haute futaie qu'il leur faut traverser, voici que le spectacle se fait plus terrible. Ce n'est pas seule la force des eaux qui a pu convulser ainsi la forêt centenaire. Il semble qu'une puissance inconnue ait ébranlé le sol jusque dans ses fondements. Des chênes antiques, dont 300 centaures, en se tenant par les mains, n'auraient pas embrassé le tronc, gisent sur le sol, après avoir écrasé dans leur chute les buissons et les arbrisseaux. Leurs racines se tordent en l'air comme des bras désespérés. Des fondrières pleines d'eau se sont creusées. Toute vie est éteinte. Une peur soudaine amollit les cœurs. Le désir obscur du retour fait vaciller les jarrets. Mais la faim est plus forte. À chaque pas croît le chaos. Maintenant, c'est en monceaux inextricables que s'entassent les géants de la forêt. Des gouffres où disparaîtrait la horde entière sont béants dans le sol éventré. Et des tertres nouveaux se dressent. Venus on ne sait d'où, des éboulis d'énormes blocs de pierre, chacun plus haut que Colpitru, se sont abattus au milieu des végétaux saccagés. Une haleine glaciale souffle au visage comme si des neiges pulvérisées emplissaient l'air, le faisaient opaque. Les centaures cheminent, angoissés. Ils ne reconnaissent pas les choses d'autrefois. La terreur de l'inconnu les étreint. Par moments, Clévorac lui-même s'arrête pensif. À demi-voix, Urico prononce des paroles incohérentes. Peut-être dans son âme se lèvent les souvenirs diffus des anciennes catastrophes. Pourtant, contournant les précipices et les amas de roches infranchissables, traversant à la nage les flaques noires, gravissant les monticules où les gravats roulent sous leurs pieds, escaladant les arbres abattus, se frayant un passage à travers les branchages accumulés, les centaures poursuivent leur route. Depuis longtemps déjà, ils devraient avoir atteint le champ de Reki. Mais à cause de tant d'obstacles, leur course a été ralentie. Et si complet est le bouleversement de toutes choses, que parfois l'instinct de Clévorac lui-même a hésité. Mais un murmure de soulagement détend les poitrines. Voici que prend fin le cauchemar de la forêt ravagée. Les feuillages disparaissent. Au bout d'une lande couverte seulement d'herbes maigres, de bruyères et de mousses, se dresse la barrière bien connue des rochers noirs. Eux n'ont point changé. Dans le vallon qui les sépare de la pente embrumée des montagnes, les centaures retrouveront la racine qui rendra la confiance à leur cœur. Malgré l'oppression qui paralyse les respirations, ils s'élancent à la poursuite de Clévorac. Le premier, le chef, se raidissant sur les jarrets, atteint le sommet de la colline. Mais au lieu de dévaler sur le versant opposé, il se cabre, se rejette en arrière, et pousse un cri étouffé. Pressentant un nouveau malheur, ses frères se hâtent derrière lui. L'un après l'autre, ils le rejoignent et s'arrêtent éperdus. Ce qu'ils découvrent dépasse ce qu'ils pouvaient concevoir. Il y a 4 jours, du tertre où ils sont rassemblés, une descente rapide menait au creux du vallon. Là croissait en abondance la fougère bienfaisante. Les plants vigoureux couvraient les derniers contreforts des montagnes qui, ensuite, élevaient plus haut leurs flancs arides. Dans le lointain, par les jours limpides, on apercevait très haut les taches blanches des glaciers qui ne disparaissaient qu'aux plus fortes chaleurs de l'été. Maintenant, il n'y a plus de vallon. À quelques pas devant eux, les centaures contemplent un mélange étrange et informe de boue, d'argile, de fragments de rochers, de terres éventrées, dont la masse s'est écroulée sur les champs de Reki, les a ensevelis à jamais. et en face d'eux, sur le flanc nu de la montagne, à la suite de l'avalanche destructrice, les glaciers eux aussi se sont élancés. Il y a 4 jours encore, ils dormaient inoffensifs, tout là-bas, voisins des cimes. Maintenant, leurs langues blanches ne sont plus séparées de la horde que par la largeur de l'éboulé. Leur haleine souffle la mort. Rien de ce qui vit, rien de ce qu'il connaît, n'est capable d'effrayer le peuple aux 6 membres. Mais devant ce désastre qui confond leur imagination, les plus braves sentent leurs dents claquer et leurs jambes grelotter sous eux. 4 jours de pluie, le fracas d'une nuit, ont suffi pour faire du champ nourricier un sinistre chaos, pour dévaster la forêt protectrice, pour créer tout autour des centaures une nature hostile, inconnue, où, obscurément, ils se sentent guettés par des forces destructives. Le souffle de la bise raidit leurs membres. D'énormes nuages roulent, pareils à des oiseaux de proie monstrueux qui, tout à l'heure, vont fondre sur eux. Un soleil terne luit sinistrement dans le ciel, aussi méconnaissable que le sol lui-même. Qu'un cataclysme nouveau déchaîne les puissances ennemies, demain ce qui demeure de la forêt sera englouti, et les glaciers morts s'étendront jusqu'à la mer, jusqu'aux roches rouges elles-mêmes, et ce sera la fin du peuple roi. La terreur est la plus forte. Dans les cerveaux hébétés, elle abolit toute pensée. Avec une longue plainte désespérée, les centaures font tête queue et prennent la fuite. Clévorac lui-même n'essaie point de les retenir. Son courage, à lui aussi, s'est effondré dans la panique générale. Au travers les blocs épars, les gouffres béants, les arbres tordus et déracinés, les rochers, les broussailles, les mares stagnantes et les torrents, et toute l'atrocité de la nature convulsée, les centaures bondissent, se bousculent, tombent, se relèvent, s'accrochent, se précipitent de nouveau, galopent follement, grimpent et nagent tour à tour. Ils ont oublié la faim qui les torture. Un seul instinct les aiguillonne. Le besoin furieux de s'affranchir du chaos, de se retrouver parmi les choses connues, d'échapper au cauchemar qui s'est abattu sur eux. Sans une seconde de répit, ils fuient et tour à tour laissent derrière eux les chaînes et les hêtres, les temps où flottent le mammouth et les bœufs, les pentes inondées où pourrissent les arbres fruitiers, les dunes des pins ravinées par les eaux. Pas un ne songe à s'arrêter pour ramasser quelques fruits. La peur donne un regain de force aux jarrets. Au terme de leur course échevelée, s'offre la mer invariable. Mais la plage ne leur paraît pas un refuge sûr. Épuisés, ruisselants d'eau fétide, couverts de boue, le torse et les bras ensanglantés par les fourrés épineux, les genoux écorchés par les chutes, les centaures se coudoient à l'entrée des grottes. Seule la voûte solide des rochers leur sera un abri suffisant. Ils se serrent, muets, les uns contre les autres, et puis, brisés d'épouvante, de souffrance et de fatigue, ils s'endorment pesamment au murmure éternel de la mer. Et les jours qui suivent rendent plus sensibles les conséquences du désastre. Parce que l'instinct de vivre est plus fort que la peur, les centaures, au lendemain de l'affreuse découverte, ont quitté les grottes rouges et se sont répandus dans les environs pour calmer à tout prix leur faim. Et pendant de longs jours, dans toutes les directions, à travers les bois, les landes, les dunes et les vallons, au nord, à l'orient et au midi, ils ont recherché la pâture. Sous les buissons de houx et de lauriers, ils dénichent çà et là quelques touffes d'herbe. Ils mâchent les feuilles tendres, les brins d'écorce, les bourgeons hardis qui essayent de renaître au creux des branches. Les herbes aquatiques, les jeunes roseaux, les tiges des nénuphars, quelques rares melons d'eau n'ont pas été pourris. les dominateurs les ramassent et les font craquer sous leurs dents. Ça et là, sur les coteaux les plus élevés, là où des dômes enchevêtrés ont formé une barrière plus épaisse à la violence des pluies, ils recueillent, miraculeusement préservés, quelques poignées d'olives à demi mûres, de figues, d'arbouses et de glandous. Comme la saveur corrompue des feuillages écœure les plus affamés, on se dispute furieusement toute verdure fraîche, toute baie intacte. À plusieurs reprises, les mâles en sont venus aux mains. Les plus vigoureux, abusant de leur force, dépouillent les vieux et les femelles. Babidam a déterré dans un taillis de genêt quelques plants égarés de reiki. Elle a été surprise, à demi étranglée, par Arc et Colpitru, qui lui ont arraché les racines de la bouche, ont foulé sa poitrine maigre sous leurs durs sabots. Dans la détresse universelle, Clévorac sent l'âme de son peuple lui échapper. Des passions égoïstes aigrissent les cœurs, mettent la haine sur les visages, crispent les poings et les mâchoires. C'est que, si loin que les centaures poursuivent leurs recherches, ils ne découvrent point de ressources suffisantes. Nulle part la fougère reiki n'existe que par touffes pauvres et rares. De tous les côtés, la pluie a tout ravagé. Et, d'ailleurs, nulle part la végétation n'est si riche que dans les bois, où leur instinct sûr les guida au premier jour. Et dès avant le coucher du soleil, le froid glace les membres et chasse les dominateurs vers les grottes rouges. Aussi, des méditations redoutables agitent chaque soir l'âme de Clévorac. Longuement, tandis que les jeunes dorment, il s'entretient avec Krebs, Babidam, Urico, Siadda, les plus vieux et les plus vieilles. Et ils échangent entre eux les réflexions que leur inspirent les conjectures présentes, le souvenir des malheurs passés et le souci tout-puissant de leur race. Or, voici que, peu à peu, les mêmes pensées se font jour dans leur intelligence qu'aiguise le malheur. Contre le péril qui les menace, que peut la sagesse des anciens ? Longtemps leur esprit s'efforce à l'aventure vers des remèdes impossibles. Mais peu à peu, la vérité apparaît. Et lorsqu'ils l'ont conçue tout entière, presque en même temps, ils comprennent quel est le devoir imposé. Dans la nuit qui baigne les grottes endormies, la voix de Clévorac, grave et calme, expose aux vieux son dessein. Quand il se tait, tous à la fois l'approuvent d'un seul murmure, et leurs mains se serrent dans l'ombre. Puis, rassérénés, ils s'endorment. Lorsque, à l'aube blanchissante, les centaures s'éveillent et qu'avec les bousculades coutumières, ils se préparent à gagner le bois, le mugissement de la coquille magique les arrête et puis les réunit, anxieux, autour de Clévorac, qu'entoure Siadda, Krebs, Urico, Babidam. Et comme, parmi les jeunes, le péril ne saurait chasser toute gaieté, voici qu'à voir les anciens rassemblés, ils se divertissent de leur décrépitude et se désignent avec des rires leurs bouches édentées, leurs poils gris, leurs côtes saillantes, leurs reins infléchis, leurs genoux pointus, leurs sabots usés. Immobiles, les anciens se taisent. Mais Clévorac parle, et aussitôt les visages se font sérieux. D'une voix lente, en répétant plusieurs fois les mots, afin que sa parole pénètre dans tous les esprits, il dit le malheur qui vient de frapper le peuple aux six membres, et le malheur prochain qui le menace. Le danger est double. Au prix de recherches ardues, les centaures trouveront difficilement la pâture qu'il faut. Et si même ils y parviennent, comment, affaiblis et épuisés, pourront-ils endurer les rigueurs imminentes d'un hiver plus cruel? Si donc aucun remède n'est donné, lorsque renaîtront les fleurs, au printemps prochain, le peuple roi aura disparu de la terre. Les jeunes centaures se regardent avec effroi. Ils ne peuvent contredire la sagesse des vieux. La terreur de la mort glace leur sang. Ils se pressent autour de Clévorac, attendent de lui un ordre salutaire. Au premier rang, Cadilda fouille son visage de ses yeux avides. Mais le vieux chef évite le regard de la Vierge et continue d'une voix calme. Jadis, Crepnor était chef, avant que le froid chassât les centaures de la vallée luxuriante où Clévorac est né, les pluies gâtèrent à l'automne toutes les subsistances. Il était impossible dans la saison avancée de franchir les montagnes couvertes de neige. Alors, sur l'ordre de Crepnor, Palcar, le propre père de Clévorac, qui était le plus fort de la tribu, saisit un fémur de mastodonte. Et, par ordre d'âge, Crepnor appela les anciens. Et chacun d'eux, tour à tour, courba la tête devant Palcar, qui frappa chacun d'un coup mortel. Ainsi la moitié du peuple périt, et le dernier, Crepnor, sur son ordre, fut immolé. Et, parce que le bras de Palcar tremblait, il dut s'y reprendre à deux fois. Puis Palcar fut nommé chef. Parce que leur nombre était moindre, les centaures purent se nourrir pendant l'hiver. À la belle saison, ils gravirent les pentes escarpées des montagnes et gagnèrent d'autres cieux. Ainsi fut sauvée la race. L'exemple de Crepnor et de Palcar ne sera point perdu. Le chef reprend haleine. Les centaures effrayés se taisent. Ont-ils bien saisi sa pensée? L'ordre de Clévorac appelle. Arc! Le centaure roux s'avance. C'est la première fois que ses frères le voient frissonner. Du doigt, Clévorac lui indique l'os de mastodonte qui gît à ses pieds sur le sable. Prends-le. Machinalement, le géant se baisse, ramasse l'arme et la brandit à bout de bras. Alors le regard du roi se pose sur le groupe des vieux et des vieilles et il ouvre la bouche pour parler. Mais la voix défaille dans son gosier. Et, changeant d'idée, il ordonne. « Moi d'abord, ceci après. » Et, faisant deux pas, il s'agenouille devant Arc et commande. « Frappe !» Arc le rude détourne la tête, lâche sa massue, couvre ses yeux de ses larges paumes. Un immense gémissement s'échappe de toutes les poitrines. Avec des plaintes rauques, les centaures joignent les mains et adjurent Clévorac de renoncer à son dessein. Cadilda s'est jetée au cou de son père et l'étreint désespérément. Plutôt mourir tous ensemble que de s'égorger les uns les autres. Tel est le cri qui sort de toutes les bouches. Mais le verbe irrité du chef domine le tumulte. Et quoi? Les centaures sont-ils déchus de leur valeur? Si Palcar avait eu le cœur aussi mou, jamais son peuple n'eût gagné le rivage. Inexorable, Clévorac prescrit de nouveau. Arc, ramasse cette arme. Au nom de ta race, je te commande de frapper. Et le visage serein, les vieux et les vieilles, debout sur leurs jambes maigres, répètent d'une seule voix impérieuse. Frappe, afin que ne disparaisse point la race aux six membres et que la vie que nous délaissons se fortifie dans notre descendance. Et peut-être, subjugué par la volonté du chef, le bras de Arc aurait accompli le sacrifice si, avec une clameur de joie, Traigle Gris ne s'était touché le front. « Écoutez, écoutez !» Et, dans le silence anxieux de tous, il rappelle un propos de Gurgundo. Au-delà de la mer, le long des rivages que domine la montagne fumante, le triton bien souvent a vogué à travers les eaux. Et plusieurs fois, il a vanté la richesse des arbres fruitiers, l'opulence des champs de Réki et le ciel très doux de l'autre terre. Pourquoi, guidés par leurs frères aux mains palmées, les centaures n'essaieraient-ils pas de franchir le détroit? Aussi bien, malgré le meurtre des anciens, les plus robustes, s'ils demeurent, ne sauraient endurer la disette et le froid hivernal. Parce qu'ils ont accepté la mort, les anciens protestent. Qui donc ose ajouter foi au racontard de Gurgundo? Mais à l'envi, Arc, Kolpitru, Haïdar et tous les jeunes approuvent. Devant les supplications de tous, Clévorac renonce à s'obstiner. Voici sa concession. Escorté de Trègue et de 3 ou 4 autres, il ira trouver Gurgundo. Si après que le triton aura parlé, le voyage est reconnu impossible, Arc frappera sans délai. Mais les centaures tenteront ensemble la suprême aventure si le peuple à la peau visqueuse les y engage. Telle est la décision prise. Parmi les dominateurs, l'espoir a reparu que, peut-être, le meurtre sera évité. Et, de nouveau, les esprits s'égaient. Pourtant, leur regard pensif se porte parfois vers la côte lointaine. Et les plus braves sentent leur cœur mollir à l'idée d'affronter les vagues salées. Mais beaucoup, en dépit des remontrances du vieux, préféreraient s'engloutir tous ensemble dans les eaux plutôt que de voir couler sur le sable le sang de leurs frères.